Est venu exprimer sa reconnaissance. Même en temps de critique, pas de panique, car c'est Christ qui est notre espérance. C'est chaque matin qu'il renouvelle ses bontés. Il me fait du bien, je n'arrive même pas à les compter. C'est bien fait, laisse-moi les raconter. Laisse-moi les raconter. Fidèle à ses promesses, Zambé Yadalo à Kosakate. Fidèle à ses promesses, Zamba Makanda à Kosakate. Pour ce que t'as fait et ce que tu feras, n'allez la kilobina conséquent. Matondo, to ye pofesa yo matondo. Hey hey, toa zaki delay. Pona nyonso salinga na komisi monene na yo. Malgré ma somunanga. Témoigner ta grandeur, c'est que j'ai bien faire. D'exprimer toute la gratitude de mon cœur. J'ai traversé la mer rouge, mais voici sur le point d'atteindre ma terre. Même si le chemin est très long, que ma vie soit toujours en bon état. Merci pour ta fidélité, Emmanuel Alpha. Reconnaissance et gratitude, c'est ce qui donne un sens à mon attitude. Héritier de sa grâce depuis le Nouveau Testament, je compte les bienfaits constamment. Je dédie mon avenir à lui rendre gloire. Couronne des épines, Jésus est le roi. Loin de tout incident ou même des accidents, Jésus sera présent. Dans sa présence, moi je suis posé. Loué matin, midi, soir, il m'a imposé. Pour la cigarette, j'ai la nausée. Comme il fait chaque matin, Jésus-Christ m'a arrosé. Mes soucis de côté, tu m'as pas donné, je dis merci. Chaque matin, renouvelle ses bontés. Nazugi, dala, dala, dala, dala. Zamba bezinga yele yo.